Let's go. Hey, oh, let's go. Hey, thank you, thank let's you. Let's go. Hey, oh, back together as a DMX on your hardcore, hold your capacity. Pistol Man. Let's go. Thank you. har jo kun dig nok på queer. I'll state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full with each and every highway. And that much more than this I did it my way. Good morning, boys and girls. Je crois en Dieu. 1 plus 1 égale 1. Il y a Jean-Claude, il y a Dieu dans le même corps. Si on peut s'unifier, on devient ce qu'on appelle des miracles. Et chaque personne a le Seigneur en soi. We all one. Je crois vraiment au Seigneur. Je crois vraiment au Seigneur. Je crois vraiment au Seigneur. Je crois vraiment au Seigneur. Hey, is there a butt here? Seymour Butt. Homosexual? My crotch? Amanda Hugging Tip? Huge ass? Ivana Pinko? I'm a butt, and my butt smells, and I like to kiss my own butt. Plus 1 égale 1. Je crois vraiment, Seigneur. plus 1 égale 1. Where's the any key? Welcome, you've got mail. Tous les matins, je donne une expression que la France entière maintenant, depuis cette émission, se répète, qui est être aware. Aware. Et tous les matins, Ça, c'est très spirituel. Mais tu sais que tous les matins, tous les gens qui passent dans mon émission, je leur dis alors, vous êtes aware? Ils disent, je suis aware. Ça veut dire quoi, aware? Je sais pas. Eh ben, j'explique. Toi qui l'as dit, mais je ne sais pas. Alors, bien sûr. J'explique. Bon, entre toi et moi, par exemple, on a un produit qui s'appelle une molécule qui s'appelle l'oxygène, le CO2. Hein? Alors, si tu fais ça, tu vis, tu respires. Maintenant, si je tue l'oxygène comme sur la Lune, tu meurs. Ton corps est fait de cellules comme le réplicant, et ça, ils vont à une certaine vitesse. Mm-hmm. Plus vite que l'oxygène. C'est pour ça que ma main peut passer entre toi et moi, comme ça, je la coupe comme du beurre. Maintenant, pour aller dans ton corps, il faut, excuse-moi, prendre un couteau ou une seringue pour passer la masse molécule, la flèche, et toutes ces masses moléculaires, comme derrière, il y a le ciment, c'est du neutron et du proton, ça va encore beaucoup plus vite que ton corps. Donc, nous, on a inventé le temps. Mais le temps n'existe pas. Le temps, pour l'oxygène, peut-être qu'une seconde, c'est 10 secondes. Et pour le ciment, une seconde, c'est un millième de seconde. Puisqu'il y a une vitesse et une matter, une puissance de compression qui est différente entre chaque species on Earth, including l'eau, le poisson, même E.T. dans une autre... Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est aware, comme une plante qui n'a pas d'œil et pas d'oreille, elle sent les vibrations. Parce que le monde est fait de flèches, de molécules et d'électricité, comme le Big Bang. Et ça, ensemble, ça fait l'univers. Et toutes les species du monde entier sont aware. Et l'être humain, il a tellement l'habitude de parler et de regarder. De temps en temps, les gens, comme ils sont aveugles, sont plus aware que les gens qui voient. Parce qu'ils sont obligés de sentir les sensations des gens qu'ils n'aiment pas, qu'ils aiment bien, les objets qui sont. Et on est aware. So, être aware, c'est on se protège. On se protège. Pour notre instinct, pour notre vie, être aware des enfants qui sont tristes, être plus sensible, be aware. Donc c'est bien d'être aware. Évidemment, quand t'es aware. J'ai cru que j'avais raconté des conneries pendant un mois là. Pas du tout. J'ai bien fait de dire à mes auditeurs. Ah ouais. Une femme qui est enceinte, elle est aware que tiens, j'ai un enfant et c'est un garçon. Comment elle le sait? C'est l'instinct. Mais bien sûr, il y a des gens qui le savent. Moi, plusieurs fois, ma mère était malade. Je téléphone, elle est malade. Je suis aware. Je suis très sensible. J'adore ma mère. Et il y a des ondes qui passent. Les gens, pour l'instant, tu leur dis, mais il est fou, madame. Mais, maintenant, on fait des films et on les envoie par ondes, par waves, par radio waves. Oui. Ça va être mon prochain film. C'est le premier à faire ça. Donc, comment on l'envoie? Par des feelings, électricité qui est raw, c'est grossier, mais dans une compression tout à fait plate, ça devient du feeling. Et le feeling, c'est l'amour. Et l'amour, c'est be aware. And that's God talking. Ouais. Bravo. Et ben voilà. Et c'est pas moi qui parle, hein? Ah, si, c'est nous qui parlons. Ah bon? Je suis pas plus spécial ni que toi, ni que moi. Seulement, je lis beaucoup et je suis devenu aware parce qu'il y a 3 ans, ma vie n'allait pas bien. Okay? Et quand ça va pas bien, il faut la changer. Et j'ai parlé à moi-même parce que j'ai parlé à beaucoup de gens croyant recevoir de l'aide. Ils n'en ont rien à foutre, à part mes parents, mais eux, c'est des gens qui sont old-fashioned, tout ce qui est drogue et tout, ils ne connaissent pas les pauvres. Alors ils t'engueulent, tu comprends? Alors tu rentres dans toi-même et tu deviens aware of your own body, ton corps. Tu compliques. Et non. Et après, alors tu commences à parler à toi-même, tu as la réponse totale. Tu sens ton cœur qui bat, tu sais que tu as la vie, tu sais quand tu dois pisser et manger, tu sais comment faire un enfant sans les instructions. Alors tu sais comment sentir les gens aussi. Essaye, ça marchera, ça prend un peu de temps. Ok, mais ça marchera. Thank you.